Thank you. Thank you. est la clé de l'entraînement du kung fu. Ceci est la clé de l'entraînement du kung fu. Clé de l'entraînement. Dans 300 ans, quand le mal reviendra, nous reviendrons aussi. Thank you. Thank you.